Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur et historien Benjamin Stora. L'action culturelle fait partie des missions des BEI. Et c'est ainsi chaque année, nous invitons une personnalité sur nos campus de Martinique et de Guadeloupe. Le choix s'est porté sur M. Stora à cause de l'actualité récente, la remise du rapport de la commission qui porte son nom, la crise des migrants en Europe, les débats autour des questions mémorielles, des thèmes qui sont abordés dans les travaux de recherche de notre institut. Benjamin Stora est professeur des universités. Il enseigne l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe à l'Université Paris 13 et à l'Institut national des langues des civilisations orientales. Depuis 2014, il est président du conseil d'orientation du musée de l'histoire de l'immigration. Benjamin Stora a aussi présidé jusqu'en novembre 2016, à la demande de la ministre de l'Outre-mer, Mme Paul Angevin, la commission permanente d'information et de recherche historique sur les événements de décembre 59 en Martinique, de décembre 62 et de mai 67 en Guadeloupe. Monsieur Stora, spécialiste de l'Algérie, a publié de nombreux ouvrages et articles. Bon, je ne vais pas vous citer tous les titres des ouvrages, mais de nombreux ouvrages, donc notamment aux éditions La Découverte, Histoire de l'Algérie coloniale, Histoire de la guerre d'Algérie, Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, une biographie donc, du pionnier du nationalisme algérien, La gangrène et l'oubli, La mémoire de la guerre d'Algérie, un ouvrage pour lequel il a eu le Grand Prix des Lectrices L en 2011, Algérie 1954-1962, Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens. Et un dictionnaire biographique, parmi ses ouvrages, hein, un dictionnaire biographique des militants nationalistes algériens aux éditions L'Harmattan. Dans le domaine de l'image, M. Stora a été le conseiller historique pour de nombreux films et documentaires, dont Indochine, sorti en 1992. Il a aussi été commissaire de nombreuses expositions, dont La France en guerre. Je vais parler maintenant du modérateur, qui est le professeur Jean-Pierre Saint-Onge. Il est professeur des universités à l'Université des Antilles, où il enseigne l'histoire contemporaine et l'histoire de la Caraïbe. Il est le directeur de l'équipe de recherche Réseau au laboratoire de recherche à IHP. Il a été le directeur du département des lettres et sciences humaines sur le campus de Caen-Jacob jusqu'en 2015. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont des manuels, Histoire et civilisation de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, qui a été, pour deux tomes sont parus, et des travaux sur l'histoire politique contemporaine antillaise, dont mai 67. Voilà, je laisse la parole donc au professeur Jean-Pierre Saint-Onge qui va introduire le thème de la conférence de ce soir. Bien, merci Stéphane Radjouki. Alors, je ne serai pas très long parce que, après la présentation de Stéphane Radjouki, de notre invité, professeur Benjamin Stora, bien sûr, je vais très vite lui céder la parole parce que c'est notre invité et notre orateur principal. C'est une conférence qui vous est proposée ce soir. Je voudrais juste l'introduire par quelques mots. D'abord, remercier la BEU, la Bibliothèque universitaire, le service de la Bibliothèque universitaire Guadeloupe-Martinique qui a eu cette idée et qui est l'un des services les plus dynamiques de l'Université des Antilles. Les remercier de m'avoir fait l'honneur d'être présent pour modérer cette conférence. Et puis aussi d'avoir accepté, remercier bien sûr le professeur Stora d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté cette idée d'une conférence sur les mémoires coloniales comparées Antilles-Algérie. C'est le titre, c'est le thème, la thématique générale de cette conférence de ce soir, de cet échange de ce soir. Et nul mieux que Benjamin Stora ne pouvait être le plus impliqué, le plus désigné, pour apporter son éclairage sur une question comme celle-là. Une question à partir de son expérience vécue, il nous en parlera certainement, à partir de son expérience militante, l'immersion dans le sujet en histoire contemporaine est quelque chose d'important, à mon avis, de totalement inévitable et absolument important pour saisir la densité de l'histoire dont on parle. Expérience d'historien, de sociologue, expérience également méthodologique à partir des archives, archives écrites non diffusées, archives orales, et réflexion bien sûr analytique, puisqu'au bout d'un moment, il faut pouvoir prendre une certaine distance avec son sujet pour pouvoir mieux l'analyser. Je disais mémoire coloniale comparée, dans cet intitulé global, et sans entrer déjà dans la problématisation et sans anticiper sur le sujet, posons le problème rapidement. D'une part, celui de la mémoire, celui également des mémoires coloniales. La mémoire pose deux registres du temps, celui du passé, celui du présent, celui d'une continuité, d'une représentation et d'une réfraction du passé dans le présent. Celui du colonialisme, de la colonie, évoque pour nous, surtout pour les plus jeunes, un temps sans doute révolu, un temps historique, mais un temps qui, là aussi, si vous voulez, est incrusté, enquisté dans nos présents. Alors, ça se vit différemment de l'Algérie aux Antilles. De l'Algérie aux Antilles, ça se vit différemment. Benjamin Stora va nous parler très amplement de la spécificité de l'Algérie, la situation coloniale algérienne, que nous voyons plutôt d'habitude de façon assez manichéenne, peut-être, et des mémoires coloniales algériennes, plutôt que peut-être la mémoire, mais ça c'est aussi à voir. Et quant aux Antilles, notre l'antithèse de la situation présente n'est pas tellement une situation coloniale, une mémoire coloniale, mais une mémoire de l'esclavage, ce qui nous fait faire un saut quantique dans le passé et nous placer directement entre un présent qu'on a du mal à appréhender et un passé qu'on a encore plus de mal à appréhender, mais qui reste enquisté non pas tant au plan d'une mémoire récente, mais d'une mémoire, j'allais dire, largement enquisté dans notre imaginaire et dans notre sensibilité, dans notre psychologie. Et ça, c'est assez particulier. Alors, où se trouve peut-être le point de comparaison entre la mémoire coloniale antillaise, la mémoire coloniale algérienne, peut-être dans une certaine passerelle entre les faits, parce qu'ils se sont rencontrés parfois, bien sûr, on va penser à Fanon, mais pas qu'à Fanon. On va penser également à certains contextes où l'Algérie, les Antillais et les Algériens, ou les Antillais et l'Algérie se sont rencontrés. On va penser sans doute à certains faits. Je pense en particulier à octobre 61, qui ressemble par bien des traits à mai 67. On va aussi se rejoindre sur une problématisation de la question de la mémoire coloniale, des mémoires coloniales, entre digestion, gestion politique du postcolonial ou simplement construction du politique. Alors, j'en aurais terminé, avant de passer la parole à Benjamin Stora, notre orateur de ce soir. Nous avons prévu 45 minutes, 45 minutes à peu près de conférence, et puis ensuite un débat, un échange, mais un échange que nous allons cadrer. Nous aurons d'abord 45 minutes d'échange et nous aurons sans doute des thèmes qui seront dégagés que je vais vous proposer en tant que président de séance à l'issue de l'intervention de Benjamin Stora que nous allons cadrer. Toute personne qui va intervenir va décliner son identité, va poser ses questions, donner son commentaire en temps compté. Voilà, merci et merci à Benjamin Stora d'avoir accepté notre invitation. Je lui cède la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre Sainton. Merci beaucoup aussi à la bibliothèque universitaire de Guadeloupe-Martinique, puisque je suis un petit peu fatigué, donc j'étais en Martinique hier, avant-hier, pour faire une conférence. Et donc ce soir, ici avec vous, et merci d'être venus si nombreux ici en Guadeloupe ce soir. Et je dois vous dire qu'il y a ce soir, je ne peux pas aller plus, vous voyez, je ne peux pas faire plus proche. Je ne sais pas quoi faire avec ça, hein, parce que le micro n'est pas... Mais je ne peux pas, voilà, je ne peux pas être comme ça. Mais c'est compliqué, là. Je ne peux pas, là. C'est, voilà. Ou alors, il faut monter le son. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas être comme ça, vous voyez, c'est compliqué d'accord. Pour moi. Bon, écoutez, vous ne m'entendez pas du tout ? À la main. Il est en train de... Bien, là vous m'entendez ? Alors là pas du tout. Là, pas du tout. Ou alors comme ça, pour que ce soit entièrement collé comme ça à la... Là, à la boule. C'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon. Bon, mais c'est très pratique. Hein. C'est ultra pratique comme système. Donc, merci d'être venus si nombreux ce soir. Je dois vous dire que vous êtes plus nombreux ce soir ici en Guadeloupe qu'en Martinique hier soir. Voilà, je vais simplement vous le dire. Je suis surpris de l'affluence qu'il y a ici ce soir et surpris agréablement, bien évidemment, sur le thème de cette conférence qui sera plus une forme d'interrogation à voix haute à partir d'un parcours personnel et un petit peu des problématiques qui ont été les miennes depuis longtemps maintenant, depuis une quarantaine d'années, hein, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, plutôt qu'une conférence de type cours magistral à des étudiants. Je l'ai fait longtemps, ça, le cours à des étudiants. Il y a quelqu'un qui est ici dans la salle qui a été un de mes étudiants dans les années 80 à Paris 8. Donc j'ai enseigné pendant 35 ans dans les universités, dans les amphis, les cours, les TD, etc. Donc j'ai pas tellement envie de continuer à faire ça, mais plutôt de réfléchir à voix haute et puis de discuter avec vous sur toute une série de questions. Alors la première question, lorsqu'on m'a proposé de venir ici traiter de la comparaison possible entre l'Algérie et les Antilles, j'avoue que c'est une comparaison qui est à la fois féconde, parce que tout travail historique est un travail comparatiste. Tout le travail historique est toujours comparatiste. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Imaginaire de guerre » et qui insiste sur le comparatisme en prenant pour exemple la comparaison entre la guerre d'Algérie, la guerre française d'Algérie et la guerre américaine du Vietnam. C'est un livre qui est sorti en 1997. Et ce comparatisme historique, je l'avais exercé à partir des représentations cinématographiques françaises sur la guerre d'Algérie et américaines sur la guerre du Vietnam pour essayer de démontrer en quoi il y avait, dans le comparatisme entre la France et les États-Unis à propos de ces deux guerres, une sorte d'absence de représentation ou de surabondance, au contraire, de saturation des images pour fabriquer d'autres récits historiques, peut-être construits et fantasmés. Donc le comparatisme historique m'a toujours intéressé, bien sûr. C'est extrêmement fécond. Et c'est en même temps extrêmement compliqué, extrêmement périlleux, difficile. Parce que si on veut bien réfléchir à la question des Antilles, notamment la commission que j'ai présidée sur les trois événements 59, 62, 67, en fait, ces histoires antillaises sont coincées entre deux guerres. La guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam. C'est-à-dire qu'il y a deux morceaux, deux blocs historiques qui viennent, disons, se poser l'un face à l'autre et qui, quelque part, provoquent ce sentiment de trou sombre et d'absence de ces événements extrêmement importants sur lesquels j'ai pu travailler en présidant cette commission, avec d'autres historiens d'ailleurs, pour voir à quel point, disons, il y avait eu, sur ces trois événements historiques, une sorte de relégation des faits d'histoire dans un récit français, récit national, et je me suis interrogé sur pourquoi cette relégation des faits historiques. Et parmi les interrogations sur cette relégation, cette mise à l'écart des faits historiques, il y avait effectivement ces deux morceaux d'histoire qui se faisaient face et qui n'étaient pas n'importe quel morceau d'histoire, à savoir la guerre d'Algérie, bien sûr, et la guerre du Vietnam, évidemment. Alors si je commence par là, c'est parce que dans le fond, mes réflexions, ma trajectoire, mon parcours à la fois politique et intellectuel, eh bien, sont entre ces deux histoires, c'est-à-dire entre la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam. C'est entre ces deux blocs d'histoire que j'ai pu sans arrêt circuler, écrire, travailler, raconter, inventer. Parce que j'ai aussi beaucoup travaillé, comme ça a été dit, sur les fictions, notamment sur le film Indochine. Et donc c'est entre ces deux histoires que j'ai essayé de naviguer au plus près, parce que c'était deux histoires qui m'ont à la fois touché personnellement et qui m'ont littéralement fasciné sur le plan intellectuel, l'Algérie et le Vietnam. Et donc entre ces deux histoires-là, que je vais essayer ce soir de réfléchir à voix haute sur toute une série de problèmes, de questions, pour revenir ensuite, bien sûr, sur le comparatisme avec ce qui s'est passé dans les années 59-67. Mon parcours intellectuel ne part pas paradoxalement dans les années 70 de la question algérienne. mais il part de la question vietnamienne, c'est-à-dire de l'universalisme, du concept de révolution, de rupture et d'anti-impérialisme. C'est de cette manière-là que je suis arrivé d'abord à la question algérienne. Non pas parce que j'y étais né, non pas parce que, avec mes parents, j'avais été obligé de quitter ce pays en 62, mais parce que, tout simplement, je m'étais d'abord engagé à la faveur d'une guerre américaine qui était la guerre du Vietnam dans les années 66, 76, 69, et cette guerre qui a entraîné le passage à l'action politique, militante et intellectuelle de toute une génération. Toute une génération, je parle bien sûr de l'après-68. Je parle des années 69, 70, 71, etc. C'est donc en rapport avec la question universelle de ce que représente la guerre, de ce que représente la domination et de ce que représentent les questions tournant autour des problèmes de violence que je me suis engagé, et non pas à partir de l'identité, et non pas à partir d'une identité particulière. Au contraire, mes engagements, qu'ils soient intellectuels ou politiques, ont été des engagements qui m'ont permis, dans un premier temps, de m'échapper des identités particulières, communautaires, pour essayer d'accéder à d'autres formes de savoir, beaucoup plus larges. J'ai toujours essayé précisément de refuser l'étouffement identitaire communautaire dans les années 70, précisément pour l'engagement révolutionnaire et l'engagement intellectuel. Dans les engagements intellectuels, j'ai pu, et politiques, j'ai pu connaître d'autres mondes, d'autres univers, d'autres cultures, donc d'autres révolutions. La révolution vietnamienne et la révolution cubaine, qui à l'époque, dans ses résonances et ses influences, provoquaient ce que l'on appelle dans ces années 70, encore en survivance, le tiers-mondisme politique, qui continuait de produire des effets extrêmement importants. Et c'est en rapport avec ces engagements-là que je me suis intéressé à l'Algérie. Donc en rapport avec un processus qui était celui d'une radicalité révolutionnaire et non pas à partir de l'identité. Alors pourquoi je vous dis tout ça au démarrage? Parce que bien plus tard, beaucoup plus tard, 30, 20 ans après, j'ai découvert cela, ce que je vous dis là, en lisant Fanon. Parce que Fanon disait exactement la même chose. Et je me suis identifié à lui à ce moment-là, c'est-à-dire dans Peau noire, masque blanc, où il expliquait en quoi sa défense de la condition de l'homme noir était à visée universaliste et non pas singulière et identitaire, mais relevée de l'humanité générale. Et là, je me suis retrouvé complètement là-dedans parce que je me suis dit, dans le fond, ça a été le démarrage de mes engagements intellectuels et politiques, le problème, disons, des ruptures. Et c'est à ce moment-là, par conséquent, dans les années 70, donc par cette question du rapport à la rupture, donc à la révolution, que je me suis intéressé à ce qu'on appelle la révolution algérienne. Mais pas de n'importe quelle manière, parce qu'au moment où je m'intéressais à cette histoire algérienne, très peu de chercheurs en France travaillaient sur cette histoire. Et celui qui m'avait encouragé à travailler sur cela, c'était un professeur d'histoire à l'époque qui était très éloigné des idéaux révolutionnaires. C'était René Raymond, qui était mon directeur de mémoire, de maîtrise. Et qui m'a dit, mais vous, Stora, qui êtes un militant révolutionnaire, puisque j'occupais son bureau tous les matins en 72-73, il était président d'université à l'époque, il me dit, mais pourquoi vous vous intéressez à toutes les révolutions sauf à une? Je dis, ah bon, laquelle? Mais il me dit, le pays dans lequel vous êtes né, l'Algérie. Vous vous intéressez à tout, hein, la Palestine, le Vietnam, je ne sais pas quoi, Che Guevara, enfin tout. Mais pourquoi pas la révolution algérienne? Je lui dis, mais c'est vrai, monsieur Raymond, c'est pas faux. Et là, je commençais à dire, bon, ben, je vais peut-être m'intéresser à cette histoire sous un angle révolutionnaire, de rupture, etc. Et en m'intéressant à cette histoire-là, il y a une excitation terrible qui s'est emparée de moi, parce que en 1973, 74, 75, il n'y avait pratiquement pas de chercheurs en France qui travaillaient sur la guerre d'Algérie, de ma génération, je parle bien sûr, je parle de ma génération de cette époque-là. Il n'y en avait pas. Donc j'étais pratiquement seul. Donc grande excitation, vous savez, d'un chercheur de 23 ans, 24 ans, qui s'aperçoit qu'il est pratiquement seul à défricher un territoire. Donc ça, c'est une grande excitation intellectuelle. parce que on s'aperçoit que il y a un trou noir, sombre, dans l'historiographie française. Il y a un chaînon manquant. Et quel chaînon manquant? La question de la guerre d'Algérie, qui était le grand chaînon manquant, effectivement, dans les récits historiques de l'époque, dans ces années 70. Et ce qui m'a intéressé et conforté dans ce travail, c'est la rencontre avec un historien algérien, à l'époque très seul, qui s'appelle Mohamed Harbi, et qui arrivait d'Algérie comme un opposant politique. C'était un opposant politique au régime à l'époque de Boumdjian en Algérie. Et Mohamed Harbi venait de sortir un livre qui s'appelait « Aux origines du FLN, aux origines du populisme révolutionnaire en Algérie », qui est sorti aux éditions Christian Bourgois en 1975. Cette rencontre a été très très importante pour moi. Pourquoi ? Parce que Mohamed Harbi avait été un des dirigeants de la Fédération de France du FLN, un des conseillers de Krim Belkacem, qui était le négociateur algérien à Évian, et un des principaux dirigeants du GPRA. Et il avait été aussi, après l'indépendance de l'Algérie en 62, jusqu'au coup d'État de 65 en Algérie, il avait été, disons-le, un des conseillers les plus importants, les plus influents de Ben Bella, qui était à l'époque président de la République algérienne, et il dirigeait le journal Révolution africaine. Et Harbi, qui avait été arrêté après 65, torturé, s'est évadé, produit un récit historique en 1975 qui est une démystification du nationalisme et une critique, disons, du nationalisme politique, mais pas dans le sens d'une remise en cause de la question coloniale, c'est-à-dire dans le sens, disons, d'une glorification, entre guillemets, mais dans le sens de la trahison des idéaux révolutionnaires tels qu'ils avaient été formulés par les révolutionnaires algériens dans les années 55-62. Et ça, pour un jeune homme, un jeune chercheur de 23-25 ans, c'est un véritable choc sur le plan pas simplement politique, mais j'allais presque dire un choc sur le plan intellectuel, parce que c'était la découverte d'un récit historique venant d'un homme qui avait appartenu à un courant révolutionnaire, qui restait fidèle à ses engagements politiques d'origine, mais qui émettait les plus vives critiques sur l'enfermement nationaliste et sur les dérives bureaucratiques du combat politique nationaliste tel qu'il avait pu se produire dans une révolution ou à la suite d'une révolution. Alors évidemment, ça renvoyait en écho, pour moi, à ce qu'avait été la révolution d'octobre 1917, bien entendu, dans la mesure où, comme vous le savez, et cette année nous allons fêter ce 100e anniversaire très important de la révolution d'octobre, cela renvoyait, bien entendu, pour moi, en écho, la postérité de cette révolution, c'est-à-dire le destin d'un communisme devenu stalinien. Et il y avait par conséquent, dans cette génération de l'après 68 qui était la mienne, à la fois des engagements politiques révolutionnaires et une dénonciation de la perversion des idéaux révolutionnaires portés à l'époque par le Parti communiste français. C'était donc par conséquent par le biais d'un travail historique, théorique et idéologique autour de la révolution algérienne, une interrogation très forte et importante sur la postérité, la destinée de ce que pouvaient être aussi les révolutions. Et dans cette interrogation-là, un personnage m'est apparu central, et c'est sur ce personnage que j'ai fait ma thèse, ma première thèse, soutenue en 1978 à l'École des hautes études, notamment avec Jacques Berck, comme membre du jury. Eh bien, c'était le personnage de Bessali Hadj, qui était le fondateur du nationalisme algérien, mais qui n'avait pas participé avec le FLN dans ce processus révolutionnaire, mais qui était resté fidèle à ses idéaux et qui avait été écarté du pouvoir et ses partisans décimés. Et celui, naturellement, qui m'avait aidé à travailler sur cette thèse, c'était Mohamed Harbi, qui avait été un adversaire de Messali et qui a été le premier, en 1977, à rédiger une biographie de Messali avant la mienne, qui précisément remettait en perspective historique la visée de ce personnage considérable qui avait été le fondateur du nationalisme dans les années 20, avec l'étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. C'était des grandes organisations de masse du nationalisme algérien. Et donc, à partir de là, bien sûr, cette question, disons, de la mise à l'écart, de la relégation de ceux qui portaient un idéal révolutionnaire et qui se trouvaient écartés précisément de, au moment où, où ce rêve s'accomplissait, je trouvais ça absolument extraordinaire. C'est ça qui me fascinait. Ça me renvoyait bien sûr à d'autres grands personnages. Amilcar Cabral, je ne vais pas citer la liste de tous ceux qui ont été à la fois des révolutionnaires et Trotsky, bien entendu, qui se trouvait lui-même écarté après la Révolution, alors qu'il avait été le chef de l'armée rouge, bien sûr, et qui, comme vous le savez, a été assassiné en 1940 à Mexico. Là, je vous conseille de lire, bien sûr, de lire ce grand livre qui s'appelle « L'homme qui aimait les chiens », qui raconte très bien, un livre magnifique, cette histoire entre l'assassinat de Trotsky et la vie de Ramón Mercader. Fermons cette parenthèse. Donc, il y avait par conséquent, dans ces années 70, donc il y a longtemps maintenant, hein, très longtemps, ce mélange de curiosité intellectuelle, de passion politique et aussi d'intérêt pour des histoires révolutionnaires qui ne réussissaient pas, c'est-à-dire qui n'aboutissaient pas au rêve espéré. Il y avait ce mélange, cette circulation qui pouvait exister, qui me situait à la fois dans une généalogie politique, celle d'un nationalisme révolutionnaire, mais me plaçait aussi en dissidence par rapport à cela, donc dans une grande solitude. Mais cette solitude n'était qu'apparente. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur cette question-là, sont arrivés vers moi plein de vieux militants algériens qui avaient été soit des partisans de Messali, soit des gens qui avaient été au FLN, mais qui avaient été écartés après l'indépendance de l'Algérie. C'est à ce moment-là, bien sûr, que j'ai rencontré des gens qui étaient de grands noms du nationalisme algérien, mais qui à l'époque étaient dans l'opposition et qui étaient très seuls. Et j'ai rencontré Boudiaf, j'ai rencontré Aït Ahmed, bien sûr, qui étaient dans les années 70 des hommes isolés, avec de petites organisations comme le Front des Forces Socialistes ou le PRS. La fille de Messali, bien sûr, qui m'a donné les archives de son père, en français et en arabe. Et là, à ce moment-là, à travers toutes ces archives privées, toutes ces archives de militants, j'ai pu effectivement construire ce récit historique à partir des archives militantes, anticoloniales, mais aussi, ça c'est encore une chance que j'ai eue à cette époque, mais aussi à partir des archives de l'État, puisque ces archives étaient encore très largement ouvertes jusqu'au décret de 1979, de réglementation des archives, qui ferme les archives en France. Mais moi, comme j'avais commencé à travailler en 1974 jusqu'en 1979, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai pu photocopier énormément d'archives de sûreté, de surveillance, des renseignements généraux, de la DST, de tout ce que vous voudrez. Et donc de croiser le point de vue des archives étatiques avec la parole militante. Et avec les archives militantes, journaux, tracts, presse, témoignages, entretiens, etc., etc. Ce qui m'a permis, bien sûr, dans la foulée de ma thèse, de faire ce dictionnaire biographique où j'ai fait donc 600 biographies, tout seul, des acteurs du nationalisme algérien et de la guerre d'Algérie, vu du côté algérien. Donc 600 biographies que j'ai mis environ 5 ans à faire, avec l'aide de tous ces militants exilés, bannis, mais fidèles, toujours, à leurs engagements politiques, etc. Et ce dictionnaire a été publié en 1985. Alors je vous raconte tout cela parce que dans ce parcours intellectuel, comme vous pouvez vous en apercevoir, la dimension politique, bien sûr, était essentielle, était très très importante. Il faut contextualiser tout ça, nous sommes dans les années 70, évidemment. Mais à la même époque, j'ai fait la connaissance et rencontré, bien sûr, des historiens professionnels, comme Charles Robert Ageron, comme Jacques Berg, ou même comme René Raymond, qui, tout en sachant et connaissant mes parcours, mes inclinaisons, m'expliquait et me disait sans cesse, il faut faire attention aux faits historiques. L'idéologie, c'est très bien, les convictions, c'est tout à fait essentiel, mais s'approcher des faits historiques, les vérifier, les recouper, pas à travers une seule source, mais sur plusieurs angles, avec plusieurs sources, ça, c'est le travail de l'histoire. Et donc ils m'ont appris à me défier de l'emballement idéologique, c'est-à-dire de cette espèce de passion du politique qui quelquefois abîme la réflexion et interdit de voir véritablement les faits historiques tels qu'ils se sont réellement déroulés. Donc il y avait cette espèce de croisement entre la passion politique, idéologique, et la passion historienne sur le fait de vérifier et de recouper les sources. Tout ça, c'est dans les années 70. Parce que ces années-là, effectivement, ont été des années passionnées. Des années où j'ai étudié à Nanterre, j'ai étudié à Paris 7, avec René Galissot, Claude Liosure, Robert Bonneau, Catherine Cochry-Bidrovitch, qui étaient des enseignants importants en histoire et en sociologie, avec Pierre Fougérolas, etc., et qui m'ont donné, disons, cette espèce de double curiosité, c'est-à-dire de respect d'engagement ou de conviction, et en même temps de patience et de méfiance pour la construction et la fabrication d'un récit historique. Et puis, bien entendu, après, il y a, dans les années suivantes, une autre interrogation qui a surgi, et qui est en rapport, bien sûr, avec ce qui se passe dans les sociétés. Parce que si dans les années 70, j'étais très seul dans l'investigation historienne autour de la question coloniale et de la question nationale, les choses ont brusquement changé dans les années 80. Parce que dans les années 80, en France, apparaît sur le devant de la scène politique et culturelle ce que l'on va appeler en France la question de l'immigration. Or, la question de l'immigration, ce qu'on appelait à l'époque la question de l'immigration, c'était en fait l'irruption sur le devant de la scène politique et culturelle des générations postcoloniales, issues principalement de l'immigration algérienne en France, principalement, dans le mouvement pour l'égalité, les mouvements antiracistes, les combats politiques et idéologiques dans la société française, dans ce qu'on appellera aussi plus tard le problème des banlieues. C'est parce qu'on fonctionne toujours, souvent en France, par périphrase. Les banlieues, les jeunes, l'immigration. Bref, la question coloniale n'était pas encore énoncée en tant que telle. Mais on s'y approchait. Dans ces années 80, on s'approchait lentement, à travers ces irruptions de jeunesse combattant sur les questions de racisme et d'égalité, on s'approchait quand même de ce qui pouvait constituer le noyau dur d'un grand problème, d'un grave problème qui travaillait en fait en profondeur la société française et qui était le rapport notamment à la question algérienne au sens large. Et derrière la question algérienne, la question coloniale, la question du racisme bien sûr, et le rapport à l'État et à la violence. Donc dans les années 80, mon point de vue, disons, s'est agrandi sur le problème de la migration. Et j'ai soutenu donc ma thèse d'État en 1991 sur l'immigration, c'est-à-dire passant de la question algérienne classique de la guerre à la question, disons, de la migration, des migrations ou de l'immigration algérienne, cette question du passage d'un objet à un autre sur le point de vue de la recherche historique correspond très exactement dans les années 80 à des questionnements nouveaux de la société, des interpellations nouvelles de la société, notamment venant de la jeunesse, sur le refoulement, le déni d'une grave question de la société française qui était la guerre d'Algérie et la question coloniale. Avec par conséquent ce passage, j'ai donc commencé à travailler sur un autre objet qui est la question de la mémoire. Et j'ai donc publié en 1991 un livre qui s'appelle « La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie » dans les deux sociétés, la société française et la société algérienne. Et pourquoi ce livre? Et pourquoi ces interrogations? C'est bien parce que, dans le fond, en 1988, 89, 90, etc., 91, le problème du refus du regard dans la société française de l'époque... Oui, ça décline. Bon, vous avez raison, il faut relayer sans arrêt, parce qu'il faut relayer... changer les piles, parce qu'on en a encore pour une heure environ. Non, je vais m'arrêter bientôt, sinon tout le monde va s'endormir. Dans les années 90, 85, 90, la question, du déni de la guerre coloniale menée en Algérie a commencé à m'intéresser, très sérieusement. C'est-à-dire que Le problème, disons, de... Le problème, disons, de l'amnésie française sur la question de la guerre d'Algérie et de la montée en puissance des tentations extrémistes identitaires dans la société française à travers le Front National et dans la société algérienne à travers le Front islamique du Salut, c'est-à-dire la montée en puissance de ce qu'on appelle l'islam radical, l'islam politique, se correspondaient en miroir et ont provoqué l'écriture de ce livre, La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie dans les deux sociétés. Parce que, par parenthèse, j'ai toujours conçu mon travail, non pas par enfermement dans une seule histoire, mais dans les deux histoires, toujours. Histoire française et histoire algérienne. Mais jamais dans une seule histoire. Et toujours dans une sorte de va-et-vient d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Alors évidemment, à cette époque-là, si on veut bien regarder l'histoire algérienne, l'encouragement à écrire cette histoire sur une fin d'amnésie, y compris algérienne, venait du fait qu'en Algérie, en octobre 88, avec les émeutes en Algérie d'octobre 88, s'effondre le système du parti unique et reviennent en Algérie Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Hossein Aït Ahmed, les grands leaders historiques que je connaissais de la révolution algérienne et qui reviennent en Algérie. Font retour. Alors évidemment, la suite, malheureusement, vous la connaissez, c'est l'assassinat de Boudiaf en juin 92. Mais le fait du retour physique de cette mémoire occultée de cette guerre révolutionnaire, naturellement, était un formidable encouragement pour moi, dans la mesure où il y avait aussi, disons en France, la volonté de déverrouiller cette histoire par l'ouverture des archives en 1992, notamment les archives de l'armée française, qui se sont ouvertes en 1992. Donc voilà la possibilité à partir de 91, 92, 93, la possibilité d'écrire une histoire à deux voix, de déverrouiller les archives et de faire revenir sur le devant de la scène les acteurs les plus importants de cette histoire, de cette guerre et de cette révolution. Et donc c'est un encouragement à produire du sens de récits historiques pour faire en sorte que les mémoires s'apaisent. C'était en tout cas à l'époque ma préoccupation et mon ambition. Produire du sens, produire des récits historiques pour faire en sorte que Français et Algériens regardent leur histoire dans sa complexité et qu'à partir de là, s'apaisent les effusions ou les blessures se cicatrisent autour de cette question brûlante et donc entrevoir la possibilité d'une réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. C'était à peu près ce que j'espérais en écrivant La gangrène et l'oubli et en soutenant cette thèse sur l'immigration algérienne en France, dans la même année d'ailleurs qu'est l'année 1991. La suite n'a pas été tout à fait celle-là. La suite n'a pas été tout à fait celle-là parce que on en discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre Sainton. Plus cette histoire algérienne s'éloignait dans le temps, plus elle devenait une sorte d'objet d'histoire lointain, presque, j'allais dire, frigorifié, et plus, au contraire, cet objet d'histoire devenait brûlant. Et plus, au contraire, les mémoires se réveillaient de manière féroce et rentraient en guerre, les unes contre les autres. Plus on s'éloignait du temps historique de la réalisation de cette histoire, et plus les passions devenaient plus vives, brûlantes, incandescentes. Et au contraire, à contrario de ce que j'avais pu espérer, plus il y avait fabrication de récits historiques autour de cette période, et plus au contraire, il y avait d'arguments, de guerres, des mémoires qui ont littéralement explosé dans les années 2000, cette sorte de guerre des mémoires, avec une séparation des mémoires, et non pas une réconciliation, mais une séparation des mémoires, portée à l'incandescence en 2005, par une loi votée à l'Assemblée nationale française, la loi dite de colonisation positive, où une majorité de députés à l'Assemblée nationale a décidé de voter le fait qu'en histoire, la colonisation avait été un acte positif. Ce qui a provoqué, bien sûr, la fureur des Algériens, bien évidemment, mais pas seulement. Dans tous les pays, territoires anciennement colonisés, tout d'un coup, le vote de cette loi a réveillé des souvenirs, a réveillé les querelles, a réveillé, disons, des situations historiques que l'on croyait définitivement révolues, et l'objet colonisation est redevenu brûlant. Il est redevenu actuel, et là on a vu et on a pu assister effectivement à l'arrivée sur la scène intellectuelle de toute une génération de jeunes chercheurs qui ont commencé à s'emparer, bien sûr, de la question coloniale. Alors, il y avait eu cette loi sur 2005, mais quelques années auparavant, 4-5 ans auparavant, pour ce qui concerne, et là on va arriver au problème du comparatisme historique algérie-antille, 4-5 ans auparavant, c'est-à-dire en 2000-2001, le retour de mémoire, bien sûr, autour de la question de l'esclavage. Avec la commémoration de 99, le vote de la loi de 2001, et donc il y avait, disons, cette sorte de retour mémoriel autour de la question de l'esclavage, mais ce retour de mémoire autour de la question de l'esclavage ne s'accomplissait pas avec un retour de mémoire autour de la question coloniale. Alors ça, c'est une question que je pose, moi, que je vous pose. C'est qu'il y avait, au contraire, une sorte de survalorisation autour de la question de l'esclavage et une très grande difficulté à traiter de la question coloniale. Au contraire, la question coloniale était votée, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, non pas pour la dénonciation comme une sorte de crime ou, disons, d'atrocité commise, mais au contraire, comme une sorte de valorisation, ce qui paraissait absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on pensait dépasser, disons, cette question par cette sorte de progrès accompli autour de la question de l'esclavage, mais au contraire, en 2005, la question coloniale faisait retour sur la scène politique publique, mais dans son aspect de valorisation, ce qui paraissait absolument incroyable. Et donc là, bien sûr, on arrive directement au problème du comparatisme historique qui nous intéresse ce soir. Je terminerai là-dessus et sur toutes ces interrogations à voix haute. Sur le problème du comparatisme historique et des retours de mémoire autour de l'objet colonial, de la question coloniale, dont je me suis bien sûr rendu compte en travaillant sur ces trois faits historiques à travers cette commission. Par parenthèse, sur cette commission, s'il y a des questions, on en discutera bien sûr, mais les commissions d'écriture de l'histoire décidées par les gouvernements sont très rares dans l'histoire politique française, puisqu'il y a eu la commission sur le comportement de l'Église de France à travers le cas Touvier pendant la Seconde Guerre mondiale, la commission Matteoli sur le problème de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sur la question coloniale et la guerre d'Algérie, par exemple, il n'y a jamais eu de commission. Sur ce qui s'est passé, par exemple, à Sétif, à Guelma, ou ce qui a pu se passer à Madagascar en 1947, ou le bombardement de Haïfong en 1946, il n'y a jamais eu de commission. Je préfère le dire, ça baisse, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les micros, alors donnez-moi les tous là, tous, vous rapprocher là. Il faut tous se rapprocher. Et se mettre au milieu des deux. Alors, on fait tout en même temps. Oh, mais c'est terrible, quoi. C'est fou. Donc, il faut que j'arrête parce que là, il n'y a plus de. Ça va là, comme ça? Vous m'entendez là? Bon. Donc, la question, par conséquent, d'une commission d'histoire autour de ces trois faits historiques, qui est très intéressant parce que moi, ça m'a permis effectivement de réfléchir à ces événements dans leur déroulement, bien sûr, et dans un rapport à une temporalité historique. Parce que la temporalité historique autour de ces trois événements m'a renvoyé à mes propres travaux, à mes propres interrogations sur le temps de la décolonisation, 59-62, bien sûr, et 67, avec la question du Vietnam dont je parlais tout à l'heure. Donc, sur ces trois événements historiques, il y avait le temps colonial, disons qu'il m'apparaissait comme un temps unificateur sur les trois objets, sur les trois séquences d'histoire, et donc renvoyant par conséquent à des comportements d'État, puisqu'à l'époque c'est le général de Gaulle, bien sûr, qui est aux commandes sur les trois événements, à des comportements d'État qui renvoyaient, bien sûr, à un temps colonial sur lequel j'avais moi-même travaillé, mais sans rapport direct avec ce qui se passait aux Antilles, qui était, bien sûr, en 59 le plan Challes en Algérie. En 61-62, les différentes répressions extrêmement violentes et brutales, notamment de manifestations d'Algériens à Paris, et qui nous renvoyaient bien sûr à ce qui s'était passé en 1967, très peu de temps après la fin de la guerre d'Algérie, puisque c'est 62-67, c'est à peine 5 ans, c'est rien. En termes de temporalité historique, on retrouve pratiquement les mêmes acteurs à l'œuvre, que ce soit au niveau de l'État, ou des acteurs politiques ou autres, etc. Donc le comparatisme, pour moi, naturellement, il s'est fait presque de manière, je vais presque dire, de manière évidente, de manière logique. C'est-à-dire dans ce rapport à une temporalité historique, la décolonisation, et dans un temps et dans un moment historique qui est celui d'un comportement étatique, dans le rapport à la gestion des affaires publiques et le problème de la brutalisation des sociétés dominées. Donc c'était dans ces deux objets, dans ces deux interrogations, bien sûr, que j'ai pu... disons, établir un comparatisme historique, mais avec une interrogation. Cette interrogation forte, et qui est l'objet de cette intervention de ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre les Antilles et l'Algérie. Beaucoup de différences parce que des différences d'ordre géographique. Marseille, Alger, c'est 1h30 d'avion, et il y a une proximité géographique très forte entre la France et l'Algérie, qui n'existe pas de la même manière. Cette espèce d'éloignement géographique qui joue quand même, et qui est très importante. Ça, c'est une différence, qui n'est pas n'importe quelle différence. Le problème du nationalisme et de la départementalisation, qui n'est pas la même, puisque si l'Algérie a été rattachée à la France administrativement dès 1845 et au ministère de l'Intérieur en France dès 1899, c'est vous dire l'ancienneté de l'installation... de la départementalisation en Algérie. Néanmoins, la question de la citoyenneté pleine pour les indigènes en Algérie ne s'est jamais posée, et pas avant 1958, donc très tardivement. C'est-à-dire qu'y compris le statut de 47 pour l'Algérie ne prévoyait pas la citoyenneté pleine pour ce que l'on appelait, entre guillemets, les indigènes musulmans. Donc, c'était une départementalisation très spéciale pour ce qui concerne l'Algérie, puisqu'il n'y avait pas de citoyenneté pleine. Pour l'instauration de ce qu'on a appelé le double collège. Donc à partir de là, c'est une fausse départementalisation qui donne au contraire de la vigueur au nationalisme, qui met en contradiction l'affichage des intentions républicaines proclamées sur l'égalité et la réalité effective. C'est ça le nationalisme, il vient dans cette contradiction, il vient se loger dans cette contradiction-là. Et ça c'est une différence, bien sûr, qui est importante, intéressante, disons, à analyser. Et puis enfin, la question du nationalisme, parce que dans le nationalisme algérien, il y a une composante, bien sûr, importante, qui fait une différence avec les Antilles, c'est la question de l'islam. Le problème du religieux, qui n'est quand même pas n'importe quelle question, même si aujourd'hui, par parenthèse, il y a une survalorisation de la question religieuse dans le nationalisme algérien, alors qu'à l'époque, quand vous connaissiez les leaders algériens, l'aspect religieux était beaucoup moins important qu'on veut bien dire aujourd'hui. Ayant fréquenté beaucoup des gens comme Aït Ahmed, comme, disons, Boudiaf ou autres, c'était pas des gens très religieux. C'est pas à leur faire, être désagréable avec eux que de dire ça, mais c'était pas la dimension principale. Or, aujourd'hui, il y a une sorte de réécriture d'histoire de cette guerre et de cette révolution par une place très forte qui est donnée à l'islam. Mais néanmoins, la question de l'islam est une composante, la question religieuse est une grande composante dans l'histoire du nationalisme politique en Algérie, même si elle n'est pas exclusive, même si elle n'est pas dominante. Donc, il y a par conséquent à la fois des points communs sur ce qu'est l'organisation d'une société coloniale dans ses séparations, entre guillemets, communautaires, dans ses hiérarchisations, dans ses encadrements étatiques, mais en même temps des différences dans des inscriptions historiques qui ne sont pas les mêmes, puisque l'Algérie s'inscrit dans une temporalité plus courte sur le plan colonial que les Antilles, bien sûr, puisque c'est seulement 1830 pour ce qui concerne l'Algérie, alors que pour les Antilles c'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux. Donc il y a une inscription dans la temporalité historique qui n'est pas la même, avec une antériorité qui est la question de l'esclavage, bien sûr, qui n'existe pas en Algérie. Lorsque l'Algérie devient coloniale, elle ne se fonde pas, disons, comme organisation de société, sur le principe de l'esclavage. C'est pas, disons, la dépossession, disons, identitaire en Algérie est moins forte que ce qui a pu se produire dans les Antilles. Et ça aussi, c'est une différence. C'est aussi une différence très importante, hein, sur, qui a été relevée d'ailleurs, hein, par Fanon, hein, puisqu'il a été lui-même un acteur très engagé, plus qu'un observateur, c'était un acteur très engagé. Il avait pu, disons, bien analyser, hein, cette différence sur le problème des aliénations identitaires entre Algériens et Antillais. Je vous renvoie pour ça à ses écrits, notamment Les damnés de la Terre en 1959, où il analyse très bien, disons, cette question-là. Voilà quelques... Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 8h25. Voilà quelques-unes des questions que j'avais envie de soulever avec vous ce soir, sur à la fois mon parcours et sur cette fin d'histoire qui est la mienne et de parcours, parce que c'est vrai qu'in fine, quand même, le fait d'être né en Algérie a compté. Donc, en voulant m'échapper des logiques identitaires telles que je les ai décrites dans les années 70, néanmoins, l'appartenance, disons, à une histoire sur un biais familial et d'un arrachement et d'un exil a quand même compté pour moi, puisque, in fine, mes derniers ouvrages, comme par exemple Les clés retrouvées ou Les trois exils, font mention et référence à des départs, des arrachements d'Algérie en 1962 et expliquent aussi, bien sûr, mes engagements postérieurs et mes positionnements idéologiques. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Merci donc à Benjamin Saura qui nous a entretenu à travers son expérience personnelle et aussi son parcours intellectuel de cette appréhension à la fois de la question coloniale, de la question postcoloniale, de la mémoire et de ses brûlures dans le contemporain, dans la société actuelle, dans la société que nous vivons. Disons, dans la société française, j'allais dire hexagonale, mais également dans ses rapports avec ses anciens territoires coloniaux. Il serait intéressant, effectivement, de revenir en perspective sur cette Algérie très proche, disons, du sentiment français de la France, du point de vue géographique, et de ses Antilles très éloignées du point de vue géographique, et en même temps qui sont quasiment incrustées dans une mémoire française et vice-versa. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, je vous donne les règles du jeu d'abord. Donc, nous allons faire maintenant un échange, un débat libre dans les contenus, mais tout de même cadré dans la fin. Alors, d'abord, le temps dont nous disposons jusqu'à 20h, c'est bien ça, hein, Stéphane, jusqu'à 20h30. 20h30. Voilà, passer un temps impératif. Ça nous laisse donc par conséquent 15-20 minutes sur chaque thématique que nous allons maintenant choisir. Alors nous allons faire un premier débat, je vous propose, sur, à partir de l'exposé de la conférence de Benjamin Stora, sur les élaborations identitaires postcoloniales et qui posent la problématique de la construction du politique. Enfin, nous l'avons vu à travers l'expérience de la révolution algérienne, de la guerre algérienne, de la guerre d'Algérie en particulier. Mais je crois que la question également antillaise peut être posée à travers ça. Donc ça, ce serait une première thématique. Il y a une deuxième thématique qui a été moins abordée, mais qui doit être également présente. C'est naturellement la commission Stora sur les événements survenus en décembre 59, en Martinique, l'accident du Boeing de Cafayère et mai 67. Donc ça, ce sera un deuxième volet. Donc je vous propose deux volets distincts, si vous voulez bien. Un premier volet sur la question les élaborations identitaires et la question exactement des mémoires coloniales. Échange, question, commentaire. Et deuxième volet que nous abordons après. Donc, un premier volet d'une vingtaine de minutes. Je vais demander à chacun, avant de prendre la parole, d'abord de demander la parole le micro lui sera porté par Stéphane Fadjouki, de décliner son identité et de faire une intervention courte, courte pour que le maximum de personnes puissent intervenir. Je vais couper si l'intervention est trop longue. Excusez-moi. Voilà. Stéphane. Jackie Daomé, je crois. Je voudrais intervenir sur la question de la mémoire en tant que président d'hier, en abordant ce jardin. Il me semble que peut-être ce qui a un peu manqué à l'exposé de Jean-Jacques Astora, c'est bien sûr de la question coloniale. Il y a la mémoire indienne, c'est de ça, il y a la mémoire algérienne, mais c'est la mémoire française. Et il me semble que ce qui s'est passé, c'est l'hypothèse que j'avance, c'est que la mémoire coloniale en France, bien que, comme vous l'avez dit, le temps de la décolonisation est passé, mais cette mémoire coloniale en France est restée comme une forme d'impensée qui structure quelque part le politique en France. Et c'est pour cela que, dans les périodes de crise grave que nous connaissons, cette mémoire ressurgit. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a. Il y a une réaction mémorielle en France face à la propre histoire coloniale de la France et se retrouver constituer une identité. Et en période de crise, cette identité, par le moment, ressort et a aussi des conséquences, notamment à des banlieues. Ensuite, la mémoire algérienne, vous avez dit là-dessus, la mémoire de la colonisation est quand même gênée par le nationalisme algérien. On peut dire que dans les pays, par exemple, l'Assemblée, la mémoire de la colonisation n'a pas la même fonction dans la vie. L'Assemblée a connu une petite opération qui va vraiment nationaliste, alors qu'en Algérie, comme c'était le nationalisme dominant, et ce nationalisme qui au départ, durant la lutte de l'opération nationale algérienne, est encore resté dans un cadre politique un peu social. La crise politique que nous traversons depuis 20 ans entraîne une crispation nationaliste. Et une crispation nationaliste, bien sûr, avec la femme, ça donne un lien plus fort avec la religion. Et concernant les Antilles, pour que ce soit des hypothèses un peu de. Aussi concernant les Antilles maintenant, la mémoire n'est pas pareille parce qu'il n'y a pas de nationalisme antillais. Ça, c'est fondamental. Il y a bien eu des buts et des pour la défense nationale, mais la constitution anthropologique et culturelle des Antilles. Ne peut pas conclure à la naissance d'un nationalisme pour qu'on soit appuyé sur un passé immémorial, etc. La théorisation même des produits interdisait une conception unique nationaliste de l'identité. Mais ce qui s'est passé, si cette mémoire de l'esclavage revient insister tant aujourd'hui, c'est encore, non encore, c'est une hypothèse, parce que la crise politique et générale dans le monde, produit des crispations identitaires, produit des radicalisations identitaires. Le problème de la partie républicaine, il y a une radicalisation identitaire, ne se passe pas jusqu'au passé, il y a même un petit. Voilà, c'est une question que je pose. Alors, je vous propose qu'on prenne deux ou trois commentaires, questions sur le premier thème, ensuite, avant de faire une réponse et un commentaire global. Je crois que Didier Détouche, d'abord. Me semble. Oui, bonsoir à tous. Didier Détouche, chef de conférence d'histoire des institutions, sur le pouvoir, précisément ici. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir, déjà dans cette opinion, les missions génétiques. Et puis, le thème était particulièrement intéressant pour vous. Il nous amène dans des perspectives très intéressantes qu'il faut développer. Vous avez dit qu'il faudra renouveler l'expérience. De votre visite. Alors ma question elle est double. La première c'est, elle est un peu en introduction, un peu légèrement au sujet par rapport à ce qui a été proposé, mais est-ce que vous pensiez qu'il y a eu, d'après vos travaux, diriez-vous qu'il y a eu en fait une doctrine coloniale administrative qui a en fait conduit à une politique d'assimilation progressive? Et deuxième question, c'est est-ce que cette doctrine puis cette politique ont pris en fait l'aspect de cette. Alors moi j'appelle pas ça la politique mémorielle, j'appelle ça la dynamique mémorielle en fait. voit aujourd'hui une manifestation de cette doctrine pour essayer de nous amener du statut colonial au statut de démembrement, ensuite territoire, collectivité, etc. Administratif, je précise, et donc qui irrigue un petit peu maintenant le champ culturel, philosophique et autres à travers la question notamment des paiements. C'est très, très important ça. Troisième. Une troisième intervention. Bonjour. Moi j'ai une question, c'est par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de révolution nationaliste ici, mais on se demandait avec mon ami qui est un peu des points, si c'est pas le fait que la population ici, la population antillaise qui a été déracinée, empêcherait le nationalisme. Puisque justement, le rapport au nationalisme, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à ce qu'on peut dire, à chez soi, où on veut pousser le colonisateur, celui qui est venu, son conquérant chez lui. Voilà. Qu'est-ce que je pense Alors, je pense qu'il ne faut pas se pencher dans le micro. Attends, là, oui, alors ça c'est sur les trois interventions, il y a une préoccupation à mon sens qui est importante, c'est le problème ou non de l'installation d'une pensée coloniale, d'une idéologie coloniale qui aurait pu, disons, par sa puissance de démonstration et d'installation, détourner la fabrication d'un nationalisme à caractère politique, notamment ici, aux Antilles. Alors c'est une question qui est très compliquée, qui est très difficile, parce que en histoire, on sait que l'installation dans le temps des situations de domination bouleverse l'équilibre des sociétés internes. Les déracinements, les dépossessions foncières, les circulations, les migrations, les installations diasporiques et les pratiques étatiques, notamment celles qui ont recours à la violence, si elles s'installent dans la durée historique, elles modifient le comportement des sociétés. Si je fais un parallèle avec l'histoire plus courte qu'ici aux Antilles de l'histoire algérienne, on a beaucoup parlé, pour ce qui concerne l'histoire algérienne, de quelque chose que vous connaissez tous sûrement, qui est la séparation entre indigènes musulmans et indigènes juifs par la promulgation du décret Crémieux célèbre de 1870. Cette question est très importante, il faut l'analyser, parce qu'elle nous renvoie à la question de l'assimilation. Très souvent, on a dit, à juste raison d'ailleurs, que la promulgation de ce décret, qui avait donc encourager naturellement la communauté juive à entrer dans la cité française, à devenir française et à s'assimiler sur le plan culturel et politique, donc à provoquer ce fossé et cette séparation à l'intérieur du monde indigène et donc par conséquent les a séparés et a même provoqué des affrontements qui durent dans les mémoires, dans les comportements jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le fait que dans ce décret, il y avait aussi un autre décret qui était la promesse pour les indigènes musulmans de devenir français à la condition qu'ils abandonnent la loi musulmane, la charia. C'est dans le décret prévu. Et qu'à la faveur de ce décret-là, un certain nombre de notables musulmans sont devenus français. Et que le facteur assimilationniste a aussi provoqué, entre guillemets, des dégâts dans la communauté musulmane et a permis l'émergence d'une sous-citoyenneté française indigène, y compris dans la communauté majoritaire, se séparant de la masse des indigènes musulmans qui, eux, n'avaient pas la possibilité, disons, d'accéder à la citoyenneté pleine. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la fabrication idéologique de l'assimilation politique a provoqué des dégâts, y compris dans la société indigène, majoritaire dépourvue de citoyenneté pleine. Elle a y compris provoqué ces dégâts-là. Ces dégâts identitaires qui notamment se manifestent par la perte de la langue. La dépossession n'était pas seulement que foncière au niveau de la terre, etc., mais elle est allée jusqu'à la perte de la pratique de la langue arabe, c'est-à-dire de la folklorisation de cette langue, qui fait que la repossession identitaire pour la fabrication du nationalisme politique est en partie repassée par la langue française, avec des personnages comme Ferhat Abbas, qui ne parlait pas l'arabe, chose que les gens ne savent pas. Hein, ce que lui reprochait Nasser lorsqu'il est allé au Caire rejoindre le FLN en 1956. Nasser a dit, mais c'est quoi ce leader algérien qui parle très mal, enfin qui parle pratiquement pas l'arabe. Ça voulait dire qu'on avait une telle fabrication par l'assimilation identitaire d'un arrachement à la condition de l'origine sur à peine un siècle. Hein. C'est un siècle. Donc c'est pas quatre siècles, c'est pas trois siècles, c'est un siècle qui fait que les dégâts causés par cette... par ce processus, disons, culturel, sont très très importants dans les sociétés, y compris majoritaires, enfin au sens de la population, au sens de la démographie, dans un territoire. Alors je fais cette parenthèse parce que je crois que la question de l'assimilation, c'est une hypothèse personnelle que je formule, n'est pas une doctrine réfléchie. Ce qui domine, disons, dans l'imposition de la présence française, que ce soit sur le biais de l'esclavage ou de la colonisation, c'est d'abord la possession. L'idéologisation vient a posteriori. La question, disons, de l'organisation théorique de la société n'est pas formulée auparavant. Il fonctionne dans l'après-coup, et non pas comme moteur initial. En d'autres termes, ce n'est pas la doctrine assimilationniste de propagation de la civilisation qui conduit à l'instauration du système colonial, mais c'est l'instauration par la violence d'une société qui conduit à la fabrication a posteriori d'une idéologie coloniale qui est celle du classement et de la hiérarchisation de la société. C'est la passion du classement. Mais c'est après coup. C'est dans l'après coup. Et qui est dans l'après coup sur la doctrine la plus perfectionnée de l'assimilationnisme politique? Ce sont les républicains. Qui vont former les républicains, c'est-à-dire la gauche, entre 1880 et 1914, pour aller vite. Je le fais rire, etc. Enfin, je ne vais pas faire le cours classique là-dessus. Pourquoi? Parce que précisément là, après coup, vient se formuler la doctrine de la civilisation, c'est-à-dire l'apport de civilisation. La civilisation, on peut l'apporter à ceux qui sont des indigènes ensauvagés, et qu'on, par la vertu de l'éducation, qu'on va éduquer. Par contre, attention, la civilisation, on ne peut pas l'apporter à ceux qu'on qualifie de barbares. Ceux-là, il faut les exterminer. Mais les sauvages renvoient à l'innocence, à l'origine. Ils peuvent être perfectibles. Une élite éducatrice va donc apporter la civilisation à un peuple ensauvagé. Je résume, hein. C'est la doctrine, là vous avez effectivement une doctrine théorique de l'assimilation républicaine en fait, fondamentalement républicaine, c'est-à-dire qui vise par l'éducation et l'instruction à sortir de l'état de l'enfant sauvage, parce que le présupposé naturellement théorique, c'est que ces populations n'ont pas d'histoire propre. L'inconscient a parlé à Dakar. L'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Là, vous avez clairement, disons, exposé un siècle plus tard, cette théorie de la civilisation. C'est très clair. Donc, par rapport à la dynamique que vous évoquiez, c'est-à-dire quelles sont les traces, disons, de cette poursuite assimilationniste? Eh bien, les traces, c'est l'apport de civilisation. C'est-à-dire qu'on va éduquer, instruire, d'où l'importance des instituteurs, d'où l'importance des maîtres, qui apportent la lumière, disons, à des populations qui, elles, n'ont pas d'histoire. Enfin, tout ça, naturellement, vous avez compris que c'est la théorie hein, qui est proposée hein, dans la doctrine de l'assimilation. C'est une théorie redoutable, parce que c'est celle qui vise à faire et vise à apporter le bien-être. Donc, vise à faire le bonheur des peuples. Je veux dire, il n'y a pas plus redoutable. disons, comme type idéologique. Hein, c'est-à-dire, non pas vouloir exterminer ou massacrer, etc., mais apporter le bonheur, c'est-à-dire la civilisation. Moyennant quoi, vous avez compris que ce déracinement idéologique et culturel conduit à des choses absolument terrifiantes, bien entendu. Parce qu'en Algérie, là où je connais mieux qu'ici, bien sûr, qu'aux Antilles, la dépersonnalisation culturelle est allée très loin, puisque il y a eu la perte du nom propre. Ici, il doit y avoir peut-être des personnes qui sont suffisamment âgées pour savoir qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient ce qu'on appelle des SNP. Les SNP, ça voulait dire sans nom patronymique. Sans nom patronymique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de nom. On les appelait les SNP. Il y en avait des centaines de milliers comme ça. Et par exemple, vous aviez des gens qui étaient arrêtés pendant la guerre d'Algérie, ils étaient SNP. SNP. Quand je fais ce type de réunion en France, dans les banlieues ou autres, vous avez toujours un vieux qui se lève et qui dit « Bon, j'étais SNP ». C'est-à-dire qu'il y a la perte, y compris du nom. C'est-à-dire que dans la dépossession et dans la dépersonnalisation culturelle, vous pouvez aller jusqu'au fait que dans les bureaux arabes mis en place par l'armée à partir de 1860 jusqu'en 1914, eh bien, on donne des noms ou on ne donne pas de noms. Parce que le nom est attaché à la terre. Et si vous perdez la terre, vous perdez le nom. Si vous perdez le nom, vous perdez la filiation. Vous perdez la généalogie, vous perdez l'identité. Donc vous savez plus où vous en êtes. Donc il faut vous assimiler. C'est normal. Parce qu'il faut retrouver une identité. Parce qu'il faut retrouver une filiation. Parce que vous êtes obligé de vous réinscrire dans une histoire. Sinon, vous n'existez pas. Et là, vous avez l'assimilation qui fonctionne très bien, disons, à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de doctrine a posteriori, a priori, élaborée. Il n'y a pas de conception idéologique particulière. Tout ça arrive après. Et elle arrive notamment dans cette sorte, entre guillemets, d'apport de civilisation, j'allais presque dire à travers l'instituteur et le médecin qui va soigner, parce qu'il y a celui qui éduque et celui qui soigne. Donc, dans l'entreprise, entre guillemets, coloniale civilisatrice, les deux figures dominantes sont celles de l'instituteur et du médecin, ce qui est classique. Tout au moins dans l'expérience qui est la mienne, du point de vue de mes travaux en Algérie. Mais je pense qu'aux Antilles, c'est pas loin non plus. Je pense qu'il y a des figures dominantes aussi à ce niveau-là. Le curé aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a des processus d'évangélisation qui sont faits en Algérie, notamment en Kabylie. Mais je n'ai pas le temps de m'attarder sur toutes ces questions-là. Mais fondamentalement, je crois qu'il faut réfléchir, disons, au problème des dynamiques induites par ce type de comportement-là, et qui renvoie non pas, selon moi, à la République, mais à un faux modèle de la République. Tout le problème est là. C'est-à-dire que c'est un faux modèle de République proposé. Hein, c'est un modèle de République qui vise à gommer les origines, donc de s'arracher à son origine pour arriver vers un universalisme abstrait. Mais est-ce que c'est ça, le modèle de la République ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Et c'est cette définition d'un nouveau modèle de la République que s'inscrit la crise, précisément, selon moi, de ce qu'on appelle le nationalisme politique français, qui propose un néo-nationalisme qui vise à l'universalisme abstrait, à le détachement des origines, hein, et donc ce qu'on appelle la lutte contre le communautarisme, hein, en France, entre guillemets. Donc, c'est une question, bien sûr, extrêmement importante, hein, la question que vous soulevez, parce qu'elle est très actuelle, c'est une question extrêmement brûlante, etc. Alors, pour ce qui concerne les Antilles, j'avoue qu'il y a un problème quand même sur la question du nationalisme politique. Il faut réfléchir. Moi, je ne connais pas suffisamment. Hein, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire antillaise, mais il faut réfléchir quand même à une question qui est celle de la temporalité historique, c'est-à-dire de l'occasion qui peut se présenter sur un nationalisme et qui n'est pas prise dans un temps historique donné. C'est-à-dire, grosso modo, les années 50, qui sont celles de la décolonisation. Dans la décolonisation, il y a, bien sûr, au sens général, la décolonisation, hein, qui commence en 45 à la conférence de San Francisco, jusqu'aux indépendances africaines des années 60. Hein. La décolonisation, c'est une séquence historique extrêmement large. Hein. Dans cette séquence historique extrêmement large, eh bien, la question du nationalisme, pour sortir de la colonisation, était posée dans toutes les sociétés dominées. Et il fallait avoir, ou non, des élites politiques, à mon avis, capables de formuler cette sortie. Si le temps historique est dépassé, il est dépassé. Si l'occasion est prise, elle est prise. Si elle n'est pas prise, le temps est passé. Et si le temps passe, eh bien, vous avez d'autres histoires qui naissent, ou d'autres histoires qui se poursuivent. Mais le temps est passé. En d'autres termes, peut-être qu'il y a eu des chances, peut-être qu'il y a eu des possibilités, qu'il y a eu des militants, qu'il y a eu aussi des brutalisations de société. Parce que dans les échecs de nationalisme politique, vous avez aussi le problème des répressions étatiques. C'est-à-dire que les échecs ne sont pas dus simplement à l'absence de volonté individuelle politique, mais c'est aussi des échecs qui sont vus et qui peuvent être observés dans des situations de répression, de brutalisation. On sait ce qu'on a vu, par exemple, dans l'histoire de la Commission. Moi, on y reviendra tout à l'heure, mais j'avais été très surpris par la brutalisation de la société. Et les échecs de nationalisme aussi, on peut les voir, les concevoir aussi à l'aune de ces questions-là. Parce que si on les sépare des contextes, évidemment, ça nous renvoie simplement à des questions individuelles, personnelles, hein, de volonté individuelle ou personnelle. Ce que je ne crois pas seulement. Voilà. Bien, merci pour ce premier tour de réponse. Alors, je propose qu'on, sur le même thème, qu'on fasse encore un tour de questions, 2-3 questions maximum, concises, réponses, et puis nous passons au deuxième thème. Mais déjà, on approche, hein, donc on suit le fil du débat. Alors, très rapidement, donc, 3. Alors, Maître Jabot, Gano, pardon. Ah, et Clara. Merci, professeur Rosso. Salut, présentation de mon entrevue. Moi, je voulais rebondir sur le fait. Allez-y. Le fait que vous ayez mis quand même des acteurs au centre de vos recherches, notamment des militants algériens. Et ma question, en fait, elle est également pour Jean-Pierre Saint-Ton. Je me suis demandé un moment, est-ce que finalement, il y a eu un point de rencontre entre ces militants algériens et les militants guadeloupéens? Je sais que M. Saint-Ton a travaillé sur l'influence de la guerre d'Algérie sur les consciences antillaises. Et est-ce qu'on ne pourrait pas remonter à une certaine généalogie de ces luttes contre le colonialisme à travers justement l'expérience de ces acteurs. Gano, je crois que tu avais demandé la parole. Et puis ensuite, une dernière question, et on va faire un tour parce qu'il faudrait qu'on aborde également. Je crois que nous sommes limités par le temps. Juste une question. Alors, parce que cette question algérienne, un peu sur l'origine historique. Vous avez parlé de la dépossession de la langue arabe, mais est-ce que le peuple algérien est d'origine et le peuple arabe? Non, c'est pas le berbère, mais il y a un arabe ici. Berbère. Oui, le peuple est quand même un peu berbère, qui a sa propre langue, et énormément de gens encore aujourd'hui qui ne parlent pas l'arabe, qui est le fruit quand même d'une colonisation intérieure, sauf erreur de ma part. Ça, c'est la première question. Où justement, les leaders expliquaient que la langue française était la langue qui permettait parfois une communication révolutionnaire au sein du mouvement indépendantiste. Justement par le fait que finalement c'était la langue de communion entre des gens qui ne parlaient pas forcément l'arabe et le berbère. Ça, c'est vraiment question. La deuxième, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur le processus historique que vous avez enclenché. Vous espériez effectivement, par le fait de faire connaître l'histoire, que ça allait apaiser les tensions. Et vous avez semblé, dans votre, c'est comme ça que j'ai entendu, hein, dans votre exposé, dire que finalement, ça a eu l'effet inverse, alors qu'il me semble que c'est deux faits concomitants et que ce n'est pas, me semble-t-il, les événements historiques qui ont provoqué l'évasion identitaire. Il y a d'autres processus qui se produisaient en même temps. Voilà, c'est quelque chose que là-dessus, vraiment. Très très clair. Oh là là, je connais très bien cette problématique. Je l'entends toute l'année. Notre doigt se soit levé, donc on va faire un retour. Si, j'ai pas vu. C'est bon? Ah non. Voilà. Bien. Alors sur la pratique de. Il y a une question. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Alors moi, je reviens sur la notion de torture. Quand je pense, je voulais poser la question de savoir est-ce qu'il y a un continuum occidental dans la mesure où les Français, ce sont quand même des personnes de civilisation latine. Et depuis Rome, il existe une pratique coloniale qui respecte le processus que vous avez présenté, c'est-à-dire dominer, déposséder, culturellement, déposséder identitairement. Et moi, je pense qu'il y a un passage de témoin, puisque, après tout, les Français sont à l'école latine. Ils connaissent ces méthodes. Et ces méthodes qu'ont appliquées à Rome dans l'Antiquité, elles sont exactement les mêmes que celles auxquelles nous faisons attention en ce moment. N'y a-t-il pas un continuum en Occident? Merci. On va. Réponse. Bien, là, c'est une intervention qui est très différente de celle d'avant. Hein. On voit aux deux bords de l'échiquier là. Là, c'est très intéressant. C'est-à-dire entre le continuum historique sur 25 siècles de la domination occidentale ou à l'inverse de l'échiquier, bien sûr, l'extraordinaire apprentissage par la France et la langue française des populations indigènes qui ne parlaient plus du tout l'arabe depuis des siècles. Bon. Alors, prenons cette dernière question. Je suis désolé de vous contredire, mais malheureusement, la plupart de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Algériens avant l'arrivée française parlaient l'arabe. Je suis désolé de vous le contredire, hein. Mais je vais vous donner un exemple. Ils parlaient tellement l'arabe que les indigènes juifs, ils lisaient les prières en hébreu dans la langue arabe. Les livres de prières, ils étaient écrits en arabe. Et Maïmonide, il écrivait en arabe, à Cordoue. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les Aurès, tout le monde parlait que l'arabe. Alors, il y avait effectivement des survivances de berbérité, parce que le peuplement d'origine, il est berbère, en Algérie, bien sûr. Mais ce sont des berbères complètement arabisés, par, les Arabes qui sont arrivés au 8e siècle, et qui ensuite ont effectivement, progressivement, installé la pratique de la langue arabe à partir du 8e, 9e, 10e siècle, qui s'est pratique elle-même renforcée, notamment avec l'arrivée des Juifs et des musulmans d'Espagne, chassés par l'Inquisition en 1492. Alors là, eux, ils ont apporté avec eux la langue arabe sur tout le Maghreb contemporain, sur toute l'Afrique du Nord, bien entendu. Évidemment, ils ne parlaient que l'arabe. Donc ils ont importé avec eux la philosophie, la médecine, la poésie, la musique. La musique fondamentale. Et qui se faisait exclusivement en langue arabe de Constantine à Tlemcen, de Tlemcen à Fès et de Fès à Tunis. Voilà, ça c'est la réalité historique. Maintenant, ça ne veut pas dire, bien sûr, que cette présence de la langue arabe signifiait l'évanouissement de la pratique berbère dans des régions comme la Kabylie, comme le Rif. Le Rif, c'est au Maroc. Bien sûr, il y avait effectivement des tribus qui continuaient à pratiquer le berbère. Bien sûr qu'il y avait des gens qui continuaient à pratiquer le chleuh, c'est-à-dire un des dérivés de la langue berbère, ou le tamazir, jusque dans des villes comme Tamanrasset d'aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les imazirènes, c'est-à-dire les hommes berbères, que sont les Touaregs, bien entendu. Mais ils étaient arabisés. Et ils étaient arabisés comment? Par l'islam, par la pratique religieuse, par la pratique confrérique, par la pratique maraboutique. Vous y pouvez rien, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, bien sûr, encore une fois, qu'il y avait une disparition de pratiques syncrétiques, hein, de pratiques syncrétiques, d'ailleurs judéo-musulmanes, hein, et qui existaient de manière très forte, par exemple, dans le culte des saints locaux. S-A-I-N-T-S, bien sûr, hein, des saints locaux. Donc, on a par conséquent ce syncrétisme religieux, culturel, liturgique, y compris dans les prières, hein, qui est très complexe, mais qui se faisait sur le fond d'une civilisation commune, qui était la civilisation judéo-musulmane, ou islamique au sens large. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Hein, pratiquement du 8e, 9e siècle jusqu'à l'arrivée française, en passant par les Ottomans, qui eux aussi, quelque part, lorsqu'ils arrivent en Algérie, renforcent, notamment sur les côtes, la présence de l'islam, hein, l'Empire ottoman. Hein, je veux dire, bon, l'Algérie a été ottomane hein, pendant 3 siècles, avec la Tunisie, etc., etc. Donc vous voyez que la question de l'argument de la berbérité, aujourd'hui avancé pour expliquer que tout ça n'existe pas, c'est un vieil argument, disons, qui était avancé pour séparer les populations de l'époque, que ce soit au Maroc ou en Algérie, dans ce qu'on appelait le Dahir berbère au Maroc en 1930, ou que ce soit l'évangélisation de la Kabylie. Mais c'est ce qui a renforcé les nationalismes à base identitaire religieux, précisément, dans le refus de la séparation. La contradiction et le paradoxe étaient là. C'est plus il y avait insistance dans le phénomène de la berbérité, et plus il y avait une survalorisation de la présence de l'arabisation politique, ce qu'on appelle le nationalisme arabe. Et c'est ça le grand problème des années 50, d'ailleurs. Le grand problème des années 50, c'est que le nationalisme politique, il n'a pas pris les traits de la berbérité, il a pris les traits de l'arabité, même si les populations étaient berbères. C'est ça, toute la complexité de l'Algérie est là, justement. Tout le problème était là. C'est que c'était effectivement un nationalisme arabe politique dans une population d'origine berbère. Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'histoire, hein, et c'est ça qui est compliqué, très compliqué à analyser. Alors maintenant, alors ça c'était une partie de l'échec. Mais alors sur l'autre partie, vous savez, 20 siècles d'histoire qui se poursuivent à l'identique, alors là, franchement, non, je ne crois pas à cette version de l'histoire où tout est préservé, maintenu, transmis à l'identique et se répétant de manière indéfinie. Maintenant, il y a effectivement des habitudes, il y a des systèmes politiques qui peuvent se transmettre, des habitudes et des comportements, mais qui relèvent de quoi ? Ben, qui relèvent de la religion comme institution culturelle, parce que Rome, c'est aussi l'Église. Ce n'est pas seulement l'imposition des armées impériales de Rome, c'est l'Église à partir du 3e siècle. Rome, c'est ça aussi. Et l'univers latin dont vous parlez, lorsqu'il s'applique à l'Algérie, c'est-à-dire à l'Algérie, au Maghreb. Hein. L'univers latin et de la latinité, c'est essentiellement sur le biais de l'implantation de l'Église catholique, apostolique et romaine, contre l'islam. Donc la latinité, ce n'est pas par la force des armes impériales, mais c'est par la force de l'Église. Donc c'est ça aussi la latinité, le renvoi à la latinité. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire, peut-être vous avez raison sur cette volonté qu'a eu Rome à dominer la Méditerranée, à influencer les élites, à fabriquer des histoires, à organiser des récits. Mais tout ça, ça se fait dans des situations, à un moment donné, de rupture. Parce que l'arrivée des Byzantins, parce que l'arrivée de l'islam au 7e, 8e siècle, brise cette temporalité méditerranéenne, installe des sociétés différentes, met en place des circulations civilisationnelles qui séparent l'Orient de l'Occident. Et ça, vous ne pouvez pas en faire abstraction. C'est ça l'histoire. C'est aussi des ruptures. Ce sont des seuils, des sauts qui s'accomplissent. Et là, vous avez des séparations et des affrontements en Méditerranée. Et ce n'est pas forcément Rome, entre guillemets, qui va gagner par rapport à de nouvelles puissances du Sud. Vous voyez ? Il faut avoir présent ça à l'esprit. Et cette latinité dont vous estimez être le facteur central de continuité a été quelquefois battue en brèche. A été entièrement remis en question, et pas simplement par des révolutions politiques, mais aussi par des relais civilisationnels. Donc voilà, hein, sur ce que je pourrais dire sur ces deux extrémités, disons, de questionnement sur le plan à la fois linguistique et puis sur le plan de la continuité ou pas identitaire dans les logiques coloniales. Il y a d'autres logiques. Maintenant, la question la plus difficile, la plus brûlante, la plus délicate, à laquelle je ne pourrais pas répondre comme ça, au risque de m'attirer les foudres de beaucoup de monde, c'est le télescopage esclavage-colonisation. Parce que ça, évidemment, c'est une très grave question. Hein. Ma conviction, quand même, c'est qu'il y a plus de consensus sur l'esclavage que sur la colonisation. Je dis ça avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention. Et je le dis ici, où il y a le mémorial de l'esclavage. Donc ça, c'est très délicat pour moi de dire ça, mais je l'ai constaté tout simplement par mes travaux, par mes engagements, notamment dans les années 2000, depuis une vingtaine d'années, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années maintenant, toutes ces histoires. C'est qu'on a le plus grand mal à faire admettre l'installation d'un musée de la colonisation en France, et qui n'existe pas, qu'un musée de l'esclavage. C'est un constat. Je veux dire, on a le plus grand mal, disons, à faire entrer la notion de crime lié à la colonisation dans l'histoire française que celle de crime contre l'humanité liée à la question de l'esclavage. C'est une évidence. Je ne vais pas vous renvoyer à ce qu'a dit Macron. Tout le monde le sait, vous le savez. Hein, si vous dites et si vous liez la notion de crime à la colonisation, il y a immédiatement une levée de bouclier absolue dans toute la classe politique française, de la gauche jusqu'à la droite. Je dis bien de la gauche jusqu'à la droite, sur cette question-là. Et j'insiste, de la gauche, hein, jusqu'à la droite. Vous voyez ? Donc il y a bien un problème. Donc il y a bien un questionnement qu'il faut avoir sur... sur effectivement, vous avez raison de soulever la question, sur le fait qu'on a le plus grand mal à rentrer dans l'histoire, dans la question coloniale. C'est vrai, on a du mal, disons, à l'aborder dans tous ses aspects d'ombre et de lumière, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, etc. Je disais tout à l'heure en aparté, on n'a pas réussi à mettre en place de commission d'historiens, pour faire la transition, de commissions d'historiens liées à des massacres coloniaux, je veux dire du temps passé, hein, du temps colonial passé, ça n'existe pas. Je veux dire que ce sont des questions d'histoire qui n'ont pas eu, entre guillemets, de reconnaissance étatique, même si on a beaucoup parlé de repentance. Mais quelle repentance de qui ? Qui a fait de repentance sur quoi ? Qui a prononcé des excuses ? Je parle de l'État. Qui a fait repentance ? Jamais. Sur la question coloniale, ça n'existe pas. Au contraire, dès que quelqu'un, je n'aimerais personne, ose aborder sur le plan politique cette question, mais c'est terrible. C'est immédiatement une mise au pilori absolue, quoi. Il y a quelque chose de toujours brûlant et de dangereux sur cette question coloniale. C'est ce que j'ai expliqué dans un des derniers livres que j'ai fait l'année dernière, qui s'appelle « Les mémoires dangereuses », dans une conversation avec le romancier Alexis Génie, où on a essayé dans cette conversation, c'est paru aux éditions Albin Michel l'année dernière, où on a expliqué effectivement ça. On a essayé de répondre à cette question-là. Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans la question coloniale ? Bien, merci. Alors, je propose que nous basculions sur le deuxième thème. Nous en aurons également pour une vingtaine de minutes. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Stora a été également président d'une commission... dépêché par le ministère des Outre-mer, donc par le gouvernement, sur les événements de 59 Martinique, 62 le crash du Loïc et mai 67 en Guadeloupe. Alors, je le dis également pour ceux qui ne le savent pas, le rapport de cette commission est public, il est sur Internet, il est sur la documentation française. Sur la documentation française, il est téléchargeable, donc. Ce n'est pas la peine d'en demander les conclusions, puisque chacun peut le consulter. Par contre, il serait intéressant, peut-être, alors je vais initier une première question, et il serait intéressant de savoir, vous, en tant qu'historien du colonial, précisément, et notamment de la mémoire coloniale et des exactions coloniales en Algérie, à la découverte des événements qui s'étaient produits aux Antilles, donc plus longuement intégrés à la fois au domaine colonial, mais en même temps, à la citoyenneté française de l'Algérie, quelle a été notre approche, notamment vis-à-vis de phénomènes comme mai 67 que vous étiez en train de découvrir? Bah écoutez, moi. Et un quart d'heure de débat. Ouais, enfin, moi, honnêtement, je ne connaissais pas cette histoire. Je ne connaissais pas. J'avais entendu parler, bien sûr, de cette histoire de mai 67. J'avais entendu parler de cette histoire dans les années 70, bien sûr, avec les procès du Gong en 68, avec les engagements militants, politiques, etc., qui avaient été les miens. Mais j'avoue que dans cette commission, à travers l'audition notamment des témoins qui sont venus ici même, dans une salle à côté, dans cette université, moi j'ai été personnellement bouleversé par ces auditions de témoins, parce que je ne m'attendais pas, disons, à une telle violence, en fait. Ici, en 1967, c'était quelque chose d'important. Et ce qui m'avait frappé dans les auditions, et ce qu'on a consigné ensuite dans le rapport de la commission, avec d'autres historiens, notamment avec Michel Zancarini, Fournel, Jean Poumon, etc., c'est le nombre de blessés par balle. Alors, je sais qu'il y a toujours une polémique, des discussions très vives autour du nombre de morts. Alors, moi, j'ai un peu l'habitude, malheureusement, de ce type de questionnement et de polémique, parce que sur la guerre d'Algérie, alors c'est une polémique sans fin sur le nombre de morts. C'est-à-dire, plus on s'éloigne de la guerre d'Algérie, plus le nombre de morts augmente, d'ailleurs, hein, ou diminue. Je vous dis ça parce que en Algérie, par exemple, bon, ça, c'est un sujet de, j'allais dire, d'amusement. Enfin, oui, on peut le dire comme ça, parce que les Algériens sont c'est quand même des gros déconneurs aussi. Le nombre d'anciens combattants de Moudjahidine en Algérie a augmenté, a été multiplié par 3 depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc ça veut dire, et le nombre de shahid, c'est-à-dire de martyrs, c'est-à-dire de gens qui sont morts pendant la guerre, a été multiplié par 4, donc depuis 1962. Donc ça fait quand même sourire beaucoup d'Algériens, parce que plus on s'éloigne, et plus il y a des morts en plus de la guerre. Donc ça donne beaucoup ensuite de fils de shahid, de martyrs et de petits-fils, donc, parce qu'ils ont des allocations, des subventions, des pensions, hein, des retraites et tout ça. Donc la carte de fils de martyr, évidemment, petit-fils maintenant, est très importante, hein, pour ouvrir des concessions, avoir du boulot, rentrer dans la fonction publique, etc. Donc ça accroît le nombre de morts. Donc ça, c'est du côté algérien. Quant au côté français, plus le temps s'éloigne, et plus il y a des historiens qui expliquent qu'il n'y a pas de morts pendant la guerre d'Algérie. Hein, il n'y en a pratiquement pas. C'est des propagandes du FLN, c'est des conneries. Donc plus les travaux se poursuivent, plus vous avez des historiens français, dont je dirai le nom, qui disent qu'on est passé de 500 000 à 400 000 à 300 000. Bientôt, je leur dis, il n'y a pas eu de mort. En fait, ils se sont tous tués entre eux. Hein, c'est plus simple. Hein. Bon. Mais je rigole pas en disant ça. Ça, c'est du côté français. Hein. Donc c'est-à-dire que d'un côté, vous avez une survalorisation du nombre de morts, et de l'autre côté, une sorte d'atténuation complète. De sorte qu'on est toujours obligé de ferrailler sur ces questions-là. Alors, évidemment, ici, je sais qu'il y a eu des discussions, des débats autour du nombre de morts, etc. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est le nombre de blessés par balle. C'est-à-dire qu'on a plusieurs dizaines de blessés par balle. C'est énorme. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu ça, par exemple, bien sûr, en mai 68, un an plus tard en France, puisqu'il n'y a pas eu ce nombre de blessés par balle en France. Mais si on regarde le précédent historique que je connaissais et qui m'intéresse, c'est le nombre de blessés par balle dans une manifestation en France remonte en fait au 14 juillet 1953 sur des Algériens à Paris. Le 14 juillet 1953, lorsque le cortège algérien du MTLD est arrivé place de la Nation, la police française a ouvert le feu, hein, sur le cortège. C'est-à-dire que le cortège de la CGT est passé, et quand le cortège algérien est arrivé, la police a ouvert le feu. Donc ça, c'est un épisode d'histoire qui est très peu connu, hein, qui a jamais été très peu étudié. 14 juillet 53, c'est avant la guerre, avant 54, un an avant la guerre d'Algérie. Et là, il y a eu effectivement 7 morts par balle, hein, à Paris. Hein, c'est sûr. Et ça m'a renvoyé, disons, à cette image, hein, d'une police qui avait ouvert le feu. Parce que même le 17 octobre 61, que tout le monde connaît maintenant, il y a eu beaucoup d'événements, il n'y a pas eu cette ouverture de feu par balle, mais on a balancé des gens dans la Seine, on en a pendu au Bois de Vincennes, mais l'utilisation, disons, de la violence par balle était beaucoup plus réduite que le 14 juillet 53 ou mai 67. Et c'est ça qui m'avait personnellement frappé dans l'audition des témoins. Hein, alors évidemment, ça renvoie à beaucoup de questionnements sur la façon pour l'État de régler les conflits sociaux, parce qu'il y a évidemment une question de conflit social derrière cette répression. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Enfin, Jean-Pierre Saton est mille fois plus qualifié que moi, bien sûr, pour répondre à toutes ces questions historiques ici. Mais moi, j'avais été frappé aussi par les silences d'État, en fait, sur cette répression, sur ce moment, sur ce territoire considéré comme français, bien sûr, Et à partir de là, sur les silences d'État, et notamment sur la personnalité et le silence du général de Gaulle, qui est quand même président de la République. Je veux dire, en 1967, comme il était d'ailleurs président de la République en 1961. Je veux dire, il y a quand même une sorte de continuité à ce niveau-là et d'interrogation sur cette question-là. Voilà les deux faits qui, moi, personnellement, m'ont passionné, quoi, intéressé. Merci. Un tour dans la salle sur la question donc, de la commission Sora en particulier. Tiens, voilà, je suis fatigué. S'il n'y a pas de questions, pas de problème. Pas de questions ? Alors, j'aurais cru. Bon, voilà, très bien. Alors, j'aurais quand même une question. J'aurais comme une question. Ah ben, donc un rapport a été fait sur les événements. Qu'est-ce qu'on pouvait en attendre? C'est la grande question qui est difficile parce que dans les préconisations de ce rapport, il y avait notamment le fait de diffuser cette information par la publication du rapport, sur son édition dans une version papier, qui n'a pas été faite. Voilà. Je dois le dire, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été réalisé. Moi, je pensais qu'il y aurait une édition papier de ce rapport. Alors, bon, on m'a expliqué que c'était plus important le numérique, etc. Mais en termes symboliques, la version papier, ça compte toujours. C'est quand même très important parce que ça reste. Alors que la version numérique, c'est important, mais il y a un tel déluge, disons, de versions numériques qui s'abattent sur tout le monde, que dans le fond, ça n'a pas la même valeur symbolique. Ça n'a pas, pour moi, la même valeur politique. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose dans la préconisation, effectivement, c'est la diffusion de cette information, notamment à travers les manuels scolaires, donc de l'éducation nationale. Pour l'instant, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas eu de transmission de ce rapport d'un ministère à l'autre, c'est-à-dire des Outre-mer à l'éducation nationale. Ce que, personnellement, je regrette. Hein, parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait ce passage, cette translation qui s'opère entre les deux ministères, mais à la conférence de presse de remise du rapport que nous avons faite en novembre avec Michel Sanperini à Paris, il n'y avait que, et ça s'est fait aux Outre-mer, il n'y avait pas de représentants d'autres ministères. Or, précisément pour moi, cette histoire, c'est un fait national. Ce n'est pas un fait local, disons réduit à une histoire locale. Mais ça m'apparaissait être comme un fait d'exemplarité nationale. Et là, effectivement, il n'y a pas eu ce passage ou, disons, cette présence de représentants d'autres ministères sur des faits historiques aussi importants. Voilà. Maintenant, le rapport existe. Et puis j'espère que d'autres historiens, notamment les jeunes générations, pourront le critiquer, s'en emparer, le développer. C'est un peu l'objectif hein, qu'on peut avoir dans ce genre de travail. Voilà. Merci. Je pense que s'il n'y a pas de questions nouvelles, nous pouvons conclure ici. Donc je vais remercier le public d'abord d'être venu. Bien nombreux, je crois, pour ce soir. Les étudiants, les lycéens de Cannes, de Nîmes-Basserre, merci. Tous ceux qui sont venus d'un peu plus loin, et les enseignants aussi, je crois qu'on reconnaît quelques-uns dans la salle, et puis enfin, bref, tout le public qui a assisté à cette conférence. Je pense que nous avons été intéressés par les développements que Benjamin Sora nous a amenés, et en particulier pour un approfondissement dynamique, précisément, des questions de la mémorialisation coloniale. Merci et merci à la BBI d'avoir eu cette initiative.